Ah, c'est fou la roue de base. 89-1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit François Landry avec sa chronique de Gros Crasseur. Et Simon Fitzbé termine son récit sur Led Zeppelin dans Phénomène. Wouhou! Assemblage requis tout de suite. On fera se voir si je vais... Non, t'es un homme imprévisible. T'es quelque... Ah, comme là, comme j'suis tu parles absent. Pas. T'es absent, t'es pas là du tout mentalement. Hey, bon matin, Mathieu. Bon matin, François. Es-tu de bonne Marchand. Humeur aujourd'hui? Je suis de bonne humeur aujourd'hui, toi? Oui. Bon, ben... Oui, c'est bien tant mieux. Alors. Non, mais oui, sincèrement, le soleil est revenu, ça fait du bien. Hier, c'était nuageux, maussade. Mmh. Faisait puis, froid. Et puis, l'Assemblée générale s'est déroulée comme prévu hier. Oui. Donc, on a eu quorum. Merci à tout le monde qui sont venus. C'est ça, puis les autres, vous viendrez la prochaine fois, bon. Exactement, parce que ça se déroule au moins une fois par année. Exactement. Donc, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 14 avril 2011. On l'a dit, moi, c'est Mathieu Plante. Mathieu, quoi? Plante. Plante. Ben oui. Plante. Je reconnais vos favoris. Ah, merci. C'est tes préférés. On est quasiment frères, le favori. Hein? Oui, ben, tu commences à allonger toi aussi, mais tout ça fait bien, moi, pas tellement. Mais t'es rase-tu? Ben, une fois par quand je vais me faire couper les cheveux, là. OK, c'est elle qui t'est rase. Ouais, c'est ça, ça repart à neuf, là. Je vais avoir une belle coupe de cheveux, tu vas voir quand je vais me faire couper les cheveux. Ça va durer à peu près 2 semaines. Après ça, là, pendant 6 mois, ouais. Je vais faire dur. Ouais, ça presse pas, là. De toute façon, l'été s'en vient. Hein. Ouais, faut, c'est ça. Faut que tu te protèges du soleil. Ouais, j'ai fait raser mon chat hier. Oh, c'est ouais. Un bon départ. Et voilà. c'est la suite logique, tout à fait. C'est bien normal. Moi, je fais pas de nœuds, par contre, dans les cheveux. Non? Non. Bon, t'es chanceux. Les draps. Les chats réussissent à se faire des nœuds tout seuls. C'est comme des rastachats. Je pensais que t'avais lavé tes draps. Non. Non, ça viendra. Ça viendra. Oh! Hey, on pensait pas avoir des jeux de mots poches demain le matin. Hein. Non. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va avoir Simon Fitzbé à 8h avec sa chronique Phénomène. Il va nous terminer son histoire sur Led Zeppelin. C'est Led Zeppelin 2, un peu comme les albums de Led Zeppelin qui portent tout le temps des numéros. Oh, très bon lien. Et voilà, très, voilà. Très bon lien. Et on reçoit aussi François Landry. François Landry avec sa chronique Logocratie 101. Est-ce que tu sais de quoi il nous parle ce matin? Mais bien évidemment. Est-ce qu'il nous parle du débat? Non, il dit, lui, c'est toujours des titres. Il faut toujours les comprendre. Okay. Donc, je te le dis, tu me diras ce que tu en penses. Ils sont petits, mais ils sont là. Ils sont petits, mais ils sont là. Ah ah! La fée des dents. Je sais pas, hein? Je sais. Aucune idée. Pas. On va voir à 8h30. Les schtroumpfs. Ben, je sais qu'ils sortent en 3D. Aussi, hein. Ouais. Avec des humains, je pense. Hein. Y a-tu des humains, là? Ah, je pense que c'est comme un mélange de dessin animé. Je sais pas. Non, ça va ressortir les jouets, en tout cas. Hein. C'est sûr qu'il va y avoir une palette de jouets. Ouais. Ils vont faire la pièce. Ouais. Sinon aussi, à l'émission d'aujourd'hui, on va écouter un petit peu le nouvel album de Malajub, évidemment, parce que bon, tout le monde a reçu, partout au Québec, les gens qui avaient précommandé l'album, les stations de radio, on a tous reçu l'album de Malajub à l'avance, il sort seulement la semaine prochaine. On a joué quelques pièces déjà, dont Synesthésie, ici, assez fou, parce que c'était leur premier simple, qu'ils avaient sorti il y a quelques temps pour... Jus de tomate aussi? Pour voir l'album. Jus de tomate n'est pas sur l'album, c'est une pièce exclusive. Okay. Pour les gens qui avaient précommandé, c'est une pièce inédite, qui a jamais été éditée, donc... on a aussi joué une pièce hier, là, je crois que c'était Radiologie dans la chronique. Radiologie, oui. La chronique sur la chiropratique. On trouvait que ça fitait. Mais non, c'est ça, on a reçu l'album et contrairement à d'autres radios que vous écoutez peut-être pas, et j'espère pour vous, on va vous jouer des vraies pièces de cet album-là au complet, même plusieurs. Hey. On jouera pas des extraits d'il y a deux albums en parlant par-dessus. C'est pas ce qu'on va faire. Non. On pourrait faire deux fois, là. On pourrait faire un deux fois. Ouais. On va faire un. Oh, ben. Oh, toi, je te dis, t'es comme, je dirais, un genre de Macaulay Culkin. dans... Je suis pas sûr que c'est un compliment. Dans un moment, j'ai raté l'avion, t'es un vrai petit génie. Ah, bon. Ah, c'est ça que je voulais dire. Ouais, merci. Donc, on va se faire un beau « Il était deux fois » avec Malajub. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire une fois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des liettes deux fois et t'as bien choisi la chose. Donc, Malajub avec l'album La Caverne dans le bloc Il était deux fois. Je vais te nommer des. Je vais te nommer des. On les choisit au hasard. On les choisit au hasard parce qu'on n'a pas encore entendu l'album, il vient d'arriver ce matin. Donc, on a le choix entre Cro-Magnon. Parce que là, je saute par-dessus Synesthésie. Wow. Cro-Magnon, La Caverne, Sangsue, Mon œil, Le Blizzard Radiologie. On a déjà fait jouer. Ibuprofène, Le Stridor et Chienne Folle choisi. Ben, je sais pas ce que t'en penses, mais Cro-Magnon et Caverne, ça fit bien ensemble. Le thème de l'album étant La Caverne, je pense que t'as une bonne idée là-dessus. Bon, commençons avec Cro-Magnon de Malajub tout de suite dans le bloc. Il était deux fois d'assemblage requis. C'était Malajube avec deux extraits de leur nouvel album La Caverne. On vient d'entendre La Caverne. Hein? On aime donc bien ça. Avant, c'était Cro-Magnon. On adore ça, mais je pense que chaque pièce, un peu comme chaque album de Malajube qu'on a eu depuis le début. En fait, ici, à C'est Fou, on a fait jouer tous les albums de Malajube et la plupart des pièces des albums de Malajube. Pas pour nous vanter, hein? C'est quand même ça. Hein? On a pas fait jouer juste Montréal moins 40, là, ça? Non, non, non, non, ça c'est vrai, Mathieu. Tu fais bien de le spécifier. Ben, j'imagine. Hey, mais écoute, j'ai plus apprécié, en fait, La Caverne, okay. La pièce La Caverne. Je sais pas, on dirait qu'elle me semblait plus accrocheuse. Ben, à la première écoute, là, c'est sûr. Là, ouais. Je suis au même niveau que les auditeurs. Là. Absolument, absolument. Ben, à moins qu'il y en a qui a écouté l'album, qui l'ait précommandé aussi. Là. J'imagine qu'il y en a, parce que, je veux dire, le téléchargement a été offert aux gens qui avaient précommandé hier, en début de journée, je crois. J'ai eu le temps d'écouter seulement une fois à date et pas de façon très, très attentive. Donc, j'ai hâte de pouvoir l'écouter plus que ça. Il est aussi disponible en streaming. Vous pouvez l'écouter au complet sans l'acheter sur malajube.com. Et puis, il y a des beaux petits bonus pour les gens qui précommandent l'album encore en ce moment. J'ai reçu un courriel là-dessus. Ouais. Disons que Malajube m'envoie beaucoup de courriels de ce temps-ci pour dire précommandez l'album pour avoir des petits bonus. Donc, allez vous renseigner sur malajube.com. Sinon, les autres animateurs de C'est Fou vont certainement faire jouer aussi. Maintenant qu'on l'a reçu en version CD ici à C'est Fou, chacun va, j'imagine, choisir des pièces un petit peu au hasard avec les titres. J'ose imaginer. Donc, j'espère que vous n'entendrez pas tout le temps les mêmes pièces que celles qu'on vient de faire jouer. J'espère. Espérons-le. On va voir. Voilà pour le bloc, il était deux fois. Alors, on a joué deux pièces d'un même album ou groupe sans même faire une explication compliquée comme on fait d'habitude. Là, le sketch, on oublie. Ouais. C'est pas grave. Je pense que les gens ont quand même compris que c'était deux artistes, une pièce. Deux artistes. C'est ça? Hein? Deux artistes, une pièce. Oui, c'est ça. Non, pas sûr. On va continuer en musique avec Rural Alberta Advantage. On va entendre la pièce Stamp sur leur album Departing. Juste pour toi, François. Ouais, j'adore cette pièce-là. C'est l'assemblage requis jusqu'à 9h. Émission matinale. En pièce, attachée. C'est ça, oui. Eh bien, tout est comme une brique. Tout est comme tout ensemble. Ah. Pour ça, c'est attaché. Okay. On est attachant. On est attachant. L'émission avec des animateurs attachants. Ah, j'aime ça. C'est fou. 84. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. And cure, we're waiting to get through and past the center of the earth conflict. May the scientist and vandal lead the way. Put your hands together for the silver bullet. Make me open for the idol maker, rising death and it's in shaking. Take your gift for and skin tight. Pull the strings and lift this thing you pushed with all your might. Who plays the useless stage? You save the best for later. Who plays and yet they made you? I'm mad. You're mad. All mad. All mad. The silver bullet, make me put your hands together for the future perfect waiting. You can only cover so much territory, of course. Melting carols at the sun about the things you've lost. Put your hands together for the cause and cure is calling. For the silver bullet falling, digging through and past the center of the earth goes straight. Say the scientist and vandal chanting either way. You play the useless stage. You save the best for later. You play, yet they made you. Bon choix, François. Xavier Caffine avec la pièce Le Feu. Point d'exclamation. Oui, on fire. On fire. Parce qu'on est on fire ce matin, comme toujours. Quoi? Les gorilles sont en feu, qu'est-ce qu'il y a? T'as les fesses rouges? Hein? That's right. J'adore ça. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Les matériaux de qualité sont après 8 heures, comme toujours. Oui. Avant ça, ben, tout bad. On est là. Eh oui. Bonjour. Allô. Maudit. Ça va. Ça allait mieux avant que tu dises ça. T'aimes pas ça? Oh oui, j'adore ça. Bon. Donc, François-Olivier Marchand, Mathieu Plante. À date, là, Matt, là, parce que, en fait, là, pour les auditeurs, il faut écrire toutes les pièces qu'on joue. Et oui, ici, oui, c'est fou. C'est vrai, tout à fait. Donc, en fait, je regarde ça ce matin et je dis, waouh. OK. C'est quand même brutal ce matin, c'est bon. C'est brutal, pas c'est brut bon. Comme l'eau de Cologne ou juste, la pré-rase. Non. Brut. T'aimes ça, toi? Je sais pas. C'est une sorte, ça? C'est ouais. Ouais. Ah, je sais pas, non. Je sais pas. Je. Tu t'approcheras, je vais te sentir. D'accord. Mais. C'est pas ça. mais c'est ça, juste avec. En fait, les cinq pièces qu'on a jouées, je sais très bien que notre émission déclasse toutes les autres. Ouais, c'est ça, elle a des bases solides. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Fallait pas acheter ça à la fin. C'est pas vrai qu'on déclasse toutes les autres. Là. Arrête, les autres émissions d'assemblage requis, on n'allait pas quand même dire ça. Ça, c'est vrai. Aha! Ça, c'est vrai. Aha! D'ici la fin de l'émission, on va avoir deux chroniqueurs, c'est-à-dire en fin d'émission, François Landry qui va nous parler politique. On sait pas encore de quoi parce qu'on doit toujours analyser son titre. C'est ça. Et puis rappelle-nous le titre, s'il te plaît. Les petits seront grands. Non, mais je te dis ça dans deux secondes. Je te dis ça ici. Attention. C'est ils sont petits, mais ils sont là. Ah, ils sont petits, mais ils sont là. Donc, parfait. Ouais. Écoute, j'assume. Non, ça, on dirait que ça ne me vient pas du tout. C'est un mystère. On va mystère développer. On va développer la gomme, disons, d'ici la fin de l'émission. À 8h, on a Simon Fitzbé, Led Zeppelin, deuxième partie. Il va nous continuer son histoire, je dirais, de Led Zeppelin. Ça s'en vient d'ici la fin de l'émission. Sinon, je vous prépare, juste vous préparer une petite chronique, c'est un film. Oh, ouais. Live là, tantôt. Là? Non, tantôt. Alors. Tantôt. OK. Calmement, peut-être un fait, je dirais, sur. Encore un peu sur la caféine. On parlait de caféine hier avec la caféine dans le Coca-Cola. Et dans le... Non, c'était quoi? C'était les calories dans le chocolat au lait? Ouais. Je sais plutôt de quoi qu'on parlait. Hein. Voilà. Et puis de Kenny G aussi. Ça a l'air tout détaché, tout ça. Kenny G non-stop. Tu connais Kenny G? Kenny G. On en parlera tantôt. Ah, parfait. Non, retournons en musique. Non, comme ça, ça va être pertinent. On n'avancera pas n'importe quoi. On va écouter Chroméo. Oh! Tu rajoutes de la crème fouettée sur notre dessert. Ah oui! À quand la cerise? À quand la cerise? Oh, tantôt. Oh. À 8h. Carrément. À 9h. Ouais, c'est ça. 8h. À 8h? Ouais, je on peut même manger des cerises à 8h si tu veux aussi. On peut faire ce que. Tu es capable de faire un nœud dans la queue de cerise, non? On en a parlé hier. Stéphanie Gagné, hein? Incapable. Capable. Ah ouais? Ouais, elle l'a fait devant moi l'autre fois. Ah. On a des beaux passe-temps, Stéphanie Gagné. Ouais, c'est ça. Belle journée. Elle est habile avec sa langue? Ben, apparemment. Ouhou. Carrément. Elle est même pas là pour se défendre, en plus. Tant mieux. J'aurais pas dû partir sans dire je t'aime. Mais j'aurais pu partir sans faire une scène. Les deux assis en larmes sur le canapé. Et moi fatigué, mal rasé. Je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai laissé ma brosse à dents avec la tienne. Et celle que j'utilisais les week-ends. Et j'ai pas eu le courage de la retirer. Quand je les ai vus les deux à côté, je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. Il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte. Maintenant je t'écris d'une chambre d'hôtel. Et les mois ont passé, pas de nouvelles. Mais j'ai jamais arrêté de penser à tes cheveux sur l'oreiller. Quand je me suis levé et j'ai claqué la porte. Et si jamais un beau vent nous ramène et on se revoit dans une ville lointaine. Si tu hésites avant de m'approcher, sache que je serai un homme changé. La porte.

Galaxy et requin tigre à Assemblage requis. On vous dédie ça à vous, les requins, les auditeurs d'Assemblage requis. Oh! Oui! Que c'est gentil ce matin. Ah, je sais. Oui! C'est ce qui serait gentil de ma part aussi. Non? Si je faisais pas de chronique, tu dirais, j'imagine, si tu voulais... M'insulter, t'aurais pu dire genre pas faire de chronique, mettons? Non, je l'aime pas. Tu l'aimes pas. Je l'aime ta chronique, Mathieu. Tu sais que je l'aime ta chronique. Je la veux maintenant. OK, d'abord. La chronique, c'est un fait, c'est celle des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et on commence avec un fait sur la caféine. Savais-tu, François Lévy, que la caféine contient du carbone, de l'hydrogène, de la nitrogène et de l'oxygène? Même chose que ce qui est contenu dans la cocaïne, la nitroglycérine, la morphine et le TNT. Et le TNT? Le TNT. Wow. Je savais pas ça, Colin, c'est explosif comme mélange. Vas-y. On va tous mourir. Vas-y. On va tous mourir un jour, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Tantôt, tu me disais que tu connaissais pas Kenny G. Cherchais sur Google juste pour voir sa photo. Peut-être que ça va dire quelque chose. C'est un musicien, là. Je connais pas exactement l'instrument qu'il joue et c'est pas quelque chose de tout à fait nécessaire à savoir. Kenny G. Clarinette, je pense, quelque chose de genre. Clarinette. Ouais, c'est ça, clarinette. Quelque chose de genre. En tout cas, c'est le gars frisé, Kenny G. Fait genre la musique, le super easy listening smooth. Okay, ouais. Easy listening jazz. Comme Radio dit dans la chanson Kenny G Non-Stop. Bref, Kenny G, son nom, c'est Kenneth Gorlick. Gorlick. Oui. Son vrai nom. OK. Tu voulais le retenir, là? Kenny G, Kenneth Gorlick. C'est clair, non? Ah, c'est très clair. Et nécessaire à savoir, je trouve. C'est vrai que c'est nécessaire. Ben, c'est ce que je pensais. Je pensais bien ça. Continuons avec le prochain fait. Tu connais Oscar dans Sesame Street? Oui. Oui. Il était orange avant d'être la couleur qu'il est. Oh, qui est vert, c'est ça, vert? Il était orange au début. Si tu veux voir une photo sur l'article, il est là. Eh bien, je savais pas ça. Uh-huh. En 2005, des terroristes irakiens ont pris une figurine en otage et ont essayé de dire que c'était un soldat américain. Mm-hmm. Ils ont pris une figurine? Une figurine. Va voir dans l'article sur assemblagerequis.com. Encore une fois, on voit cette figurine-là qui était la victime, donc, et qui avait une extrêmement grande ressemblance à la figurine, oui, Cody, qui a été produite pour les bases militaires par un manufacturier de jouets américain, Dragon Models, en 2003. Ce qui est bizarre, c'est que les deux, donc la victime, entre guillemets, et la figurine, ont exactement le même uniforme, les mêmes accessoires, la même expression sur le visage, et bien sûr, le fusil, qui est même pas un vrai fusil, dans le fond, c'est le fusil qui venait avec la figurine dans l'ensemble de jouets. C'est bizarre. Quand les photographies sont sorties, dans le fond, la militaire américaine ne disait pas avoir quelqu'un de recherché, de perdu en Irak, quelqu'un qui aurait été capturé. Et il n'y avait pas non plus de John Adam, parce que, dans le fond, les terroristes irakiens disaient que le gars s'appelait John Adam. Et c'était pas vrai du tout. Donc, bref, allez voir la photo. Vous allez voir la différence entre un humain et cette figurine. C'est quand même des belles figurines. Je la trouve pas. Non, tu trouves pas ça? Non. Attends, je comprends ça. J'ai pas encore mis le lien sur le site, je m'excuse. C'est pour ça. Ça m'arrive une fois de temps en temps d'être en retard un petit peu sur ça. Je suis pas capable, je vois rien. Mais t'as tout à fait raison, François, ça va être là dans à peine 10 secondes si tu me laisses le temps. Ça te va-tu? Faudra que je rafraîchis tout ça. Ben oui, mais ça sert à quoi sinon le petit bouton pour rafraîchir? C'est pas pour rafraîchir la page et avoir des informations plus à jour, comme mettons maintenant. Ça devrait être là. Okay, c'est là? Oui, c'est là, ça. Peut-être pas en ordre, mais c'est là pareil. Continuons avec Les Simpsons. Tu connais peut-être l'émission de télévision, Les Simpsons? Yes, sir. C'est le dessin animé, là. Hein? Tu connais ça? Contrairement à la plupart des gens dans Les Simpsons, les personnages qui sont asiatiques de l'Est ne sont pas jaunes. Ce qui défie, dans le fond, les conventions des dessins animés, parce que les personnages principaux des Simpsons sont jaunes et les personnages qui sont asiatiques de l'Est sont genre de jaune pâle, presque blanc, si on veut. Par exemple, Akira, qui est une japonaise qui travaille dans un restaurant, ou sinon les femmes qu'on voit dans la photo sur assemblagerequis.com aussi, qui sont plus blancs. Les scripteurs ont même fait allusion à ça dans l'émission. Quand Homer pense que ses enfants vont devenir des mutants, il dit qu'ils vont tous devenir des genres de monstres avec la peau rose et puis 5 doigts sur chaque main, etc. Rose comme nous les humains, en fond, rose comme un genre de couleur peau. Là. C'est pas vraiment rose, je trouve, mais comme un genre de beige. Bref, c'est ça. Quand on parle d'Asiatique de l'Est, on parle évidemment qui est pas, par exemple, Apu qui serait d'Asie aussi, mais dans un autre endroit que la Thaïlande ou la Chine, mettons. Genre, voilà. Sinon, il y a plus de films de Godzilla que de films de James Bond. Vous savez de ça? Répète ça, il y a plus de films de Godzilla? Plus de films de Godzilla que de films de James Bond. Ah ouais. Il y a 28 films de Godzilla et 22 films de James Bond. C'est aussi deux des séries de films qui ont duré le plus longtemps de tous les temps. Le premier James Bond est sorti en 1962, ce qui fait que la série a presque 50 ans. Le premier Godzilla est sorti en 1954, donc ils font des films de Godzilla depuis presque 60 ans. Et aucune des deux séries n'est terminée. En fait, il y a de nouvelles parties. Donc un nouveau Godzilla et un nouveau James Bond, les deux vont sortir en 2012. Oh. Même que le film de Godzilla va être en 3D, François. Oh! En 3D. Là, on compte évidemment seulement les sorties officielles de chaque film. Techniquement, on dit qu'il y a 29 films de Godzilla si on compte un film américain qui a été réalisé par Roland Emmerich. Bien des gens ne le comptent pas parce qu'ils trouvent que c'est pas un bon film. Moi, à mon avis, même si quelque chose n'est pas bon, ça compte pareil. Hein. Mais bon. Ouais. Il y a aussi 24 films de James Bond si on compte la parodie de James Bond de 1967. Je vois pas pourquoi on compterait ça parce que c'est pas un film de James Bond, c'est une parodie. Là. À un moment donné, il faut mettre des règles. Parodie de James Bond, Casino Royale avec l'humoriste Peter Sellers dans le rôle de Bond. Et si on compte Never Say Never Again, qui était un film de James Bond non officiel mettant en vedette Sean Connery. Mais c'est non officiel, donc ça compte pas, à mon avis. Mais bon. Un homme a réussi, oui, à graver un message microscopique sur une lame de rasoir en utilisant seulement ses mains, François. Et ça, c'est une histoire fascinante, je te la raconte. Ouais. Graham Short, qui est un graveur sur cuivre et autres matériaux comme ça, il a 64 ans, il vient du Royaume-Uni. Bon, ça n'a pas l'air intéressant jusque-là, mais ensuite, on entend parler de son obsession, qui est que Graham a une passion pour faire des gravures dans les choses les plus miniatures possibles. Typiquement, même à quelque chose qu'on ne peut regarder qu'avec un microscope. Donc, il a gravé la phrase « Nothing is impossible », rien n'est impossible, sur cette lame de rasoir qui mesure 1/10 de millimètre, François. Tabarouette. Il devait vraiment croire ces mots-là parce que ça a pris 150 essais et le mot peut être vu qu'avec un microscope qui dans le fond, a grandi 400 fois. Non seulement ça, mais il n'était capable de travailler qu'entre minuit et 5h30 du matin pour réduire les vibrations du trafic à l'extérieur de sa maison. C'est pas sérieux. Il fallait qu'il fasse ça dans la nuit. Il préparait chaque session de gravure en réduisant son battement de cœur à 20 battements par minute et en relaxant son corps pendant 1h30 avant. Ensuite, tu sac, en fait, c'est un foutu vol, pour vrai. Vraiment beau vouloir. Il utilisait un stéthoscope pour faire chacune de ses gravures, chacun de ses coups, ses traits, entre deux battements de cœur pour réduire tous les mouvements. Entre deux battements de cœur avec un stéthoscope pour être capable de déterminer quand est son prochain battement de cœur. Tout ça et tout ce travail-là, ça lui donnait, dans le fond, à chaque session, seulement 3 lettres s'il avait beaucoup de chance. Donc, le produit fini, terminé et maintenant disponible peut être acheté pour le prix raisonnable de 47 500 livres britanniques. J'ai pas la conversion en dollars, mais quand même, on s'attend à quelques milliers. Hein. Considérant que ça a pris presque 7 mois à compléter ce projet-là. Graver « Nothing is impossible » sur une lame de rasoir de 1/10 de millimètre. Incroyable. Boy. Et ben. Hey Matt, oui? Je reviens aux photos, en fait, là, du jouet là, qui s'est retrouvé comme... Oui. Comme la figurine. Oui, mm-hmm. C'est bien fait quand même. Oui, quand même, ça a bien l'air. Ouais, c'était impressionnant. Mais c'est des jouets qui sont envoyés, dans le fond, ça disait que c'est une compagnie de jouets. Oui, qui envoyait ça dans les bases militaires. Exactement, exactement. Donc, c'est pour ça. Non, c'est intéressant. Mm. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Tu connais le symbole de la perluette, François? La perluette? C'est le « et » fancy, là. C'est avec un genre de... OK, ouais. Le « et », genre. Ouais. Bon. C'était fabriqué, ça. Dans le fond, c'est le mot latin. C'est le mot « et », dans le fond, qui est du latin pour le mot « et ». « Et ». Et, c'est le même mot, donc en français, okay. Qui a été gardé. Et, c'est du latin. Le mot perluette, en fait, en anglais, ampersand, vient de la phrase and per se and, donc et, puis si on veut et encore. Le symbole est utilisé depuis les Romains, avec le premier exemple qui a été trouvé sur un morceau de papyrus en 45. C'était après ça, AD, je crois que c'est après chose, là, comment il s'appelle, le gars en haut, qui disent Jesus Christ Superstar, exactement. Une tribu qui n'a jamais fait contact avec la civilisation, n'a jamais eu de contact aucun avec la civilisation, avec les autres. Ça, c'est spécial, ça. Vraiment. Ça, en 2011. Hein. Incroyable que ça existe encore, oh, mais ouais. C'est le cas. C'est au Brésil. C'est une tribu indigène d'Amazonie qui a été photographiée dans la jungle près de la frontière péruvienne au Brésil. C'est un des derniers groupes de cette région-là qui n'a pas encore été contacté par la police, et par d'autres gens. On estime qu'il y a 100 tribus qui n'ont pas eu de contact encore avec l'extérieur partout dans le monde. 100 tribus. Ça. La majorité de ces groupes-là sont natifs du Brésil et du Pérou, qu'on nous dit. Eh bien, il y a des photos sur assemblagerequipe.com, évidemment, aussi. Impressionnant, quand même. Ouais. Voilà pour la collecte, c'est un fait d'aujourd'hui, François-Olivier Marchand. Hey, merci, Mathieu Plante. Ouais, ça va. Fort intéressé. Ouais, la plupart. Oh oui. Ouais. Tant mieux. Je te dis. Merci. François, ça va être la fin de la première heure. Comme ça, sans t'avertir plus qu'il faut, là, c'est vraiment la fin. On se quitte pour quelques minutes et on va revenir après avec une deuxième heure. Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième heure, François? On reçoit, en fait, à 8h, Simon Fitzbé avec sa chronique Phénomène. Et puis à 8h30, on a François Landry avec sa chronique politique Logocratie 101. Alors, restez avec nous. L'Infocampus s'en vient. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis pour ce jeudi 14 avril 2011. Nous, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Bon retour à vous. On vous prépare une très, très bonne deuxième heure. Vous le savez toujours, le jeudi, c'est politique et musique. Oui. Musique et politique. La c'est un bon mélange. Politique, si on veut. Oui. La musique. La musique. Ouais. Ça marche pas vraiment, hein? Non. Non, vraiment pas. Non. On a créé un monstre, je pleure ou je ris. Yes, je pleure ou je ris, on a créé un monstre dans l'assemblage requis. Donc, tu pleures ou tu ris? Ben, avec les blagues que j'ai fait avant, pas du genre à rire ben. Avant la pièce. Non. Le reste de l'émission. Oh. Je suis un petit peu déprimé de mes blagues, en fait. Tant mieux, nous autres ici. Bon, merci. On va accueillir Simon Fitzbé qui va nous remonter le moral, comme toujours. Voici Phénomène. Bonjour Simon Fitzbé. Bonjour. Ça va bien. Ça va bien et vous, messieurs? Oui. Très bien, merci. Oui. Pas si mal, pas si mal. Donc, moi, je viens vous parler du débat des chefs qui avait lieu hier. Ah okay. Ouais! Hey, l'as-tu écouté? Le rocker. Ouais, je l'ai écouté. J'ai pas pu l'écouter, ça. J'ai le CEP, ouais. Ben, c'était quand même pas pire, mais. Ouais. J'écoutais d'un œil, j'écrivais ma chronique de l'autre. Là. Il y a sûrement plein de références politiques dans ton texte que tu t'es pas rendu compte. Tu l'as relu, c'est bon? Ouais, je me suis relu au moins. Mais bref, lorsqu'on s'est laissé la semaine dernière, Led Zeppelin atteignait le sommet de sa popularité, entre autres avec son quatrième album. Le groupe est devenu plus grand que jamais et se permet même d'abandonner les tournées traditionnelles pour se consacrer uniquement aux immenses salles et arénas de ce monde. Led Zepp est devenu le premier groupe rock à remplir le Forum de Montréal. C'est assez intéressant. Ah ouais? Ouais. Le premier. Ouais, exactement. Okay. Il y avait eu d'autres groupes. C'est à quelle année, ça? C'était, je crois, en 73, quelque chose du genre. Et il a établi également des records d'assistance donc partout dans le monde et ils sont également à l'origine de grandes émeutes pré-concerts des gens qui se battaient pour acheter des billets de Led Zeppelin. Et c'est les plus grandes émeutes de l'histoire du rock également. Cette semaine, nous verrons comment Led Zeppelin a trôné pendant près de 10 ans sur l'univers du rock and roll, bien sûr, à la suite de cet album 4. Led Zeppelin 4 a littéralement frappé le monde du rock avec sa puissance, la puissance des chansons sur cet album-là. Le groupe a littéralement passé un an sur la route avec dans les grands éditoriums du monde. Grâce à Stairway to Heaven, Rock and Roll et Black Dog, le groupe est plus populaire que jamais. Et Led Zeppelin allait également surprendre les fans avec son prochain album enregistré à la fin de l'année 1972 après la tournée subséquente à Led Zeppelin 4, House of the Holly, donc qui en tant qu'album est définitivement supérieur à Led Zeppelin 4 avec des succès comme Dire's Maker, No Quarter, The Rain Song ainsi que The Song Remains the Same. Par contre, les fans vont voir que Led Zepp vont voir Led Zepp, oui, pour entendre Stairway et Rock and Roll malgré tout. Le groupe brise des records d'assistance dans les stades, des records qui étaient tenus par les Beatles, avec la tournée promotionnelle de l'album House of the Holly. La tournée a culminé au Madison Square Garden pour 3 soirées complètes qui furent filmées pour un film nommé The Song Remains the Same. Led Zeppelin avec la pièce The Song Remains the Same qui se retrouve sur l'album House of the Holly qui est paru donc en 1973. Très bon album. Et donc, l'année suivante, en 1974, Led Zeppelin a décidé de prendre une pause de tournée afin de mettre sur pied et de se remettre sur pied également, mais de créer en fait leur propre compagnie de disques, Swan Song, en référence à une chanson inédite du groupe. Le label a été mis sur pied à la fin du contrat, voilà, de 5 ans entre le groupe et Atlantic Records. Il va également prendre sous son aile des groupes tels que Bad Company, The Pretty Things, également Maggie Bell, Sad Café et Wildlife. Et la compagnie de disques, en fait, est surtout reconnue pour Led Zeppelin. Les autres groupes sont moins reconnus par ce label-là. En 1975, le groupe lance Physical Graffiti, un double album qui inaugure Swan Song. Bon, voilà. Et donc, l'album comporte un bon nombre de super pièces, dont Custard Pie, House of the Holly, la pièce qui a le titre de l'album précédent, mais qui n'avait pas été mis dessus, Brown Wire, ainsi que Ten Years Gone. Et l'énorme succès qu'est Kashmir. Le seul point négatif de cet album, c'est que Led Zeppelin s'attendait à supplanter Stairway to Heaven avec l'excellente pièce surproduite Kashmir, mais l'hymne de Led Zeppelin reste la même. Je m'excuse, Simon, c'est rare que ça arrive. C'est très, très rare. Ben, c'est pas... Non, mais ça arrive. C'est des choses qui se passent. C'est ça. C'est quoi? C'est Brown Wire. Bon, ça va jouer. Oui. Lentement, mais sûrement. Mm-hmm. Désolé. Led Zeppelin avec Brown Wire, pièce qui se retrouve, je ne sais pas si je prononce le nom comme il faut, c'est assez particulier. Donc, une pièce qui se retrouve sur Physical Graffiti, bien sûr. J'aurais bien aimé présenter Kashmir, mais la pièce est très, très longue. Et donc, avec Physical Graffiti, le groupe solidifie encore plus sa place au sommet du rock et au sommet de la réalité. Et permet même aux anciens albums de se retrouver au top 200 des ventes. Malheureusement, la tournée tourne au drame alors que pendant l'été 1975, Robert Plant est victime d'un accident de voiture alors qu'il était en vacances. Le groupe doit mettre la tournée sur la glace et le chanteur a du mal à se remettre de l'incident, donc ça allait prendre l'année complète. Le groupe est de retour au sommet avec au sommet de sa popularité, dis-je, lors de la sortie de Presence, le 7e album du groupe avec Achille. C'est Achilles, genre. Mais Achilles, oui, voilà. Drôle de prononciation. Ça a beaucoup plus de sens. Ouais. Achilles Last Stand, ainsi que Nobody's Fault But Mine. L'album se démarque avec un son orienté autour de la guitare de Jimmy Page, qui, pendant l'enregistrement de l'album, avait établi sa dominance sur le groupe, alimenté entre autres par sa dépendance à l'héroïne. Ce qui n'aide pas. Malgré le succès mitigé de l'album avec les critiques, celui-ci est certifié platine et le groupe reste au sommet de l'univers du rock grâce aux tournées mondiales, une tournée mondiale entre autres au printemps 1977. Malheureusement, le destin frappe encore Robert Plant alors que son fils, Karak, décède en plein milieu de la tournée. Le groupe se voit dans l'obligation de stopper celle-ci sans donner d'assurance qu'il reviendra sur scène un jour. On commence alors à douter que le groupe retournera sur scène puisqu'on ne donne pas de nouvelles en fait au public. La dépendance plutôt de Jimmy Page à l'héroïne, les excès de John Bonham avec l'alcool et les malheurs de Robert Plant semblent alors insurmontables. Le groupe passe près d'un an et demi en pause, bien sûr, pour laisser le temps à Robert Plant de s'en remettre. Alors que Led Zeppelin semble avoir franchi le point de rupture, le groupe lance In Through the Outdoor en septembre 1979, un album qui est enregistré dans le studio privé d'ABBA. ABBA! Oui, ce qui explique peut-être le tournant pop de l'album. T'en as pas parlé d'ABBA dans ta chronique, oui. Non, et je pense pas que je vais le faire. Ah, c'est Et bien que cet album-là se veut être un retour à l'avant-scène de Led Zeppelin, il s'avère être le dernier pour la formation, puisque pendant la tournée européenne du groupe en septembre 1980, un an après la sortie de l'album, John Bonham est retrouvé mort après avoir passé la journée à boire. Il s'est endormi et s'est étouffé avec son propre vomi, ce qui est trop souvent la cause des décès chez les rockstars. Yeah. cloth, mine is the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. Earth, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, yes, all of my love to you now. All of my love, all of my love, all of my love, love. Someday, sometime, sometime, sometime, oh, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ooh, yeah, it's Led Zeppelin avec All of My Love, ou plutôt All My Love, il n'y a pas de Of. Anyway. Donc, qui se retrouve sur l'album In Through the Outdoor, le tout dernier enregistré par la formation Ensemble. Bien sûr, je vous parlais tout juste avant, bien sûr, dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis, avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand, et oui, moi-même, Simon Fitzbé, qui fait la chronique. Ah, c'est toi, ça, Simon Fitzbé? Ben oui. Et donc, je vous parlais de la mort de John Bonham, et je vais vous expliquer un peu ce qui est arrivé. En fait, c'est qu'au déjeuner, John Bonham a mangé du jambon avec une pinte de vodka. C'est-à-dire une 450 pinte. Millilitres. Là. C'est plus qu'une canette de coke. Ça, c'est pour déjeuner, nous. Oui, pour déjeuner. Il a continué ensuite à boire toute la journée. Alors, lorsque le groupe donc se pratiquait pour la tournée, se préparait à la maison de Jimmy Page, et il s'est endormi un peu après minuit. Et ses amis, pour l'empêcher de s'étouffer, l'ont couché sur le côté. Mais ça n'a pas empêché l'inévitable, bien sûr. Le groupe et le public sont dévastés donc par la mort, bien sûr, de John Bonham, et personne sait ce qui arrivera avec Led Zeppelin. Avec la perte de John Bonham, c'est un pilier du groupe qui est manquant. Ce qui mène celui-ci à se séparer, puisqu'il ne voulait pas nécessairement, d'en avoir un autre et quelqu'un prenne sa place. Ne voulant pas continuer avec un remplaçant, bien sûr. Led Zeppelin est mort de sa belle mort, avec John Bonham, oui, en 1980. En 1982, Jimmy Page rassemble Coda, qui est un album qui regroupe des enregistrements live de 1970, ainsi que des pièces des sessions de In Through the Outdoor et d'autres enregistrements du groupe. Coda est comme le dernier album officiel du groupe, malgré que celui-ci n'est pas réellement un album de Led Zeppelin à proprement dit, puisqu'ils n'ont pas travaillé autour de cet album-là. En 1985, Led Zeppelin s'est reformé pour le concert Live Aid dans le but d'aider à combattre la famine en Afrique avec Phil Collins à la batterie. Malgré une offre de Collins pour remplacer Bonham dans une tournée subséquente, le groupe refuse. Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones ont reformé Led Zeppelin également en 1988 avec cette fois-ci le fils de John Bonham, Jason, au tambour. C'était pour célébrer le 40e anniversaire d'Atlantic Records. Malgré tout, le groupe refuse de retourner sur scène et d'enregistrer du nouveau matériel. Périodiquement, Jimmy Page et Robert Plant ont collaboré sur des albums ainsi que pour des concerts, mais on tenait John Paul Jones, dis-je, à l'écart pour ne pas exciter le public avec un retour de Led Zeppelin. Ça aurait été trop flagrant. Le groupe s'est réuni une autre fois avec la participation de Jason Bonham afin de rendre hommage à Ahmet Ertegun, qui était le fondateur d'Atlantic Records, qui est décédé en 2006, et c'était le 10 décembre 2007. Le concert, en plus d'avoir reçu le record des plus grandes demandes de billets pour un concert unique, c'est-à-dire 20 millions de demandes de billets sur Internet, a été le premier concert complet du groupe depuis la mort de Bonham et le dernier concert également de la formation. Puisque malgré plusieurs rumeurs et un potentiel économique incroyable, le groupe a décidé de réenterrer Led Zeppelin, probablement la meilleure décision à prendre puisque qui est-ce qui veut vraiment voir un groupe vieillissant sur scène? Hein? Bref, Led Zeppelin est mort de sa belle mort à l'aube des années 1980 et c'est peut-être une bonne chose. La majorité des groupes rock se sont cherchés dans les années 1980 et ont pris une avenue beaucoup trop pop. Celui-ci lègue donc au rock 8 albums légendaires ainsi qu'une belle réputation. Grâce à ses concerts de plusieurs heures ainsi que ceux qu'il donnait à guichet fermé. Il ne fait nul doute qu'avec le recul, Led Zeppelin est un des plus grands, sinon le plus grand groupe rock de tous les temps. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Et Led Zeppelin avec Stairway to Heaven. Malheureusement, la pièce est tellement longue. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On parle par-dessus, c'est correct, ça. Bah oui. Au moins, on ne fait pas toutes les pièces comme ailleurs. Sacré Mathieu Plante. Il fait 10 degrés à l'extérieur de nos studios. Et le trafic maintenant. Donc, Simon Fitzbé sur Led Zeppelin, sur ses dernières notes de Stairway to Heaven. Yeah. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va te retrouver la semaine prochaine, jeudi. Oui. À 8h. Oui. Pour l'autre chronique Phénomène. Pour la dernière. La dernière. Ben oui, je c'est vrai. Pas de quoi je vais pouvoir vous parler, la dernière chronique. Surprise. Oui, surprise. OK. Pour moi aussi. Ensuite, on va te retrouver, évidemment, sur l'heure du midi, tantôt, dans Dîner de Cons, avec ta chronique Le Scout des Internets. Oh oui. Et tu parles des nouvelles technologies. Effectivement. Voilà. Ensuite, en soirée, il y a l'émission La Saveur du Moment. Oui. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? On va tourner autour d'un thème en particulier. Je suis juste pas encore assez décidé à savoir ça va être lequel. Ça serait l'amour, probablement. Toi, t'es un gars qui vit dans le moment présent. Ouais, ouais. Vraiment. Ben, ça. C'est pour ça que c'est La Saveur du Moment. Ah, Colin! J'étais en studio avec 15 disques, là, tu choisis. OK, merci. C'est pas la saveur de moment, comme j'avais entendu parler que c'était La Saveur de Moment. C'est pas ça, là. La Saveur du Moment, là, ouais. Là présent. Okay. Ouais. T'as le vendredi aussi dans Rock Classique, la chronique Les Éphémérides du Rock. Effectivement, à 11h. Et ça, y a pas de jeu de mots à faire du tout. Non. Hey, j'ai eu un bon commentaire de votre chronique. Ah ouais? Monsieur Fatibé, oui, j'ai entendu ça. Calé, non? De où? Ah, ben, je te dirais ça à micro fermé. Ah, OK. Bon, c'était bien de commencer la discussion à micro ouvert, alors. Ouais. Non, mais c'est fun de se faire dire, en fait. Ben, oui, c'est tout à plaisir. Oh, ouais. On n'en reçoit pas assez. Hein? Mm. C'est un indice pour les auditeurs qui veulent nous téléphoner et nous dire vous êtes donc bien bon. Hein? Envoyez-nous de l'amour. Ah, give me love, give me love. Merci encore une fois à Simon et puis à la semaine prochaine. Bien, merci. C'est fou, là, vous avez. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Assemblage requis jusqu'à 9h. Déjà de retour à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Simon Fitzbé toujours avec nous, évidemment. Hein? Oui. Oui. Oh, go, oui. Wiki, wiki, wiki, wiki, wiki. Hein? Wiki, wiki. C'est comme des DJ, c'est comme dans un débat. On pourrait faire des remix avec les quotes, là. C'est des citations des gens hier. Wiki, wiki, wiki. L'année va être bonne. Voici la chronique Logo Crassisson. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour, François Landry. Bonjour, Mathieu Plante. Bonjour, Monsieur Landry. Bonjour, Monsieur Marchand. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, ben tant mieux. Le sujet aujourd'hui, on essaie de le comprendre tantôt. Oui, je vous ai entendu, ça vous intrigue. Hein? Ouais, vous allez être tellement déçu quand je vais vous dire le sujet. Bon. Donc, on va rappeler le titre pour que les gens aient une dernière chance de deviner. Ils sont petits, mais ils sont là. Je parle des schtroumpfs. Non. C'est ce qu'on pensait. Deviner. Mais s'ils se formaient en parti politique, ils pourraient faire un petit parti politique. Ah! Ils sont petits, mais ils sont là. Ah, comme le bon vieux parti, c'est ça l'idée. Et je vais en parler tantôt, ah, oui. Ouais. Mais là, je vais parler de ceux qui sont reconnus coast to coast, à Admaré ou Squé Admaré. La devise du Canada, faut pas l'oublier, c'est notre chère devise. Donc, il y a combien de partis politiques qui se présentent aux élections du 2 mai prochain? En tout, là. En tout? En tout. Une quinzaine? Moi, je dirais un petit peu plus que ça, peut-être. 20 ans? Moi, je dirais 20. Moi, j'irais pour 19. 19? On s'entend-tu pour 19? Hein? C'est quand 19. Même bon. Oh, ouais. On a les 5 gros partis qu'on connaît. Parti conservateur, libéral, néo-démocrate, vert et Bloc québécois. Ouais. Eux autres, on les connaît. Mm-hmm. Mais il y en a 14 autres qui passent presque inaperçus parce qu'ils sont pas

Est-ce qu'on t'a un sujet spécial? Est-ce que tu sais pas encore? Je vais sûrement trouver un titre qui va vous mettre dans la brume. Je pourrais vous dévoiler mes résultats, mais avant les résultats électoraux officiels. Ouais, ça pourrait être intéressant. Mais non, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais faire comme Simon, je vais mettre dans un chapeau plein de sujets que je vais en tirer au sort, ouais. Puis je vais improviser à la limite. Mais non, j'en ouais, faudrait qu'on fasse ça, qu'on improvise, qu'on se lance un thème, puis qu'on improvise. Ah, ça va être un succès, c'est clair. Ouais. Improvisation mixte. Mm-hmm. Ayant pour thème. Donc, merci, on te retrouve jeudi prochain à 8h30 pour notre chronique Logocratie 101, dernière de la saison, comme je l'avais dit. On a le temps d'aller écouter une pièce de Mono Grenade tout de suite avant de terminer la semaine. Voici M'en aller sur leur album Tantale. Des M'en aller sur l'album Tantale, assemblage requis au 89.1 FM. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui et de la semaine. De la semaine et la semaine prochaine, ça va être notre dernière semaine. Ben oui, dernière en tant que quotidienne, évidemment. Oui, tout à fait. On vous réserve des surprises qu'on vous annoncera dans les émissions de la semaine prochaine. Restez sur nos ondes à 9h pour Tour d'Afrique avec Rachel, puis Connaître ensemble à 10h pour savoir sur la périnatalité, puis à 11h, c'est le dîner de con. On remercie François Landry. Merci et beaucoup. Simon Fitzbé. Ah, ça fait plaisir. Merci, M. Fitzbé, pour leur participation à l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve lundi matin à 7h avec la présence d'Audrey Tremblay, entre autres. Bien sûr, qui va nous parler de la plus récente apparition du Zone Campus. Et ça va être la dernière apparition par le FAMIN. Tout à fait. Et on va aussi recevoir Stéphanie Gagné pour ses chroniques Ton plat favori et Take Me Out. Soyez à l'écoute. Moi, je vous retrouve à 13h tantôt pour C'était fou et les palmarès, c'est fou. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Passez une excellente fin de semaine. Au revoir. Bye bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.